Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous. Et par tous les chemins, Encore debout est venu se pendre à mon cou et je n'ai pas su me défendre, je l'aimais déjà, voilà tout. L'homme qui tient encore debout, toujours fidèle au rendez-vous du mois de janvier à décembre, mon cœur n'est plus que billet doux. Et je fleuris sous sa main tendre, et je veux l'aimer à genoux. Lui seul a su me prendre, mais il me donne aussi beaucoup. L'homme qui vient joue contre joue, mine de rien sans faire la roue, joue juste à mon oreille. Et si c'est à lui mon soleil, l'homme qui vient joue contre joue, le cœur valemble un point, c'est tout. Et moi je veux l'aimer pareil, jusqu'au jour où je serai vieille, refleurissant sous sa main tendre, comme une orchidée, un bijou qui ne serait jamais à vendre, surtout pas de faute de goût. Et je fleuris sous sa main tendre, et je veux l'aimer à genoux. Lui seul a su me prendre, mais il me donne aussi beaucoup. l'homme qui tient encore debout est venu se pendre à mon cou. Et je n'ai pas su me défendre. Je l'aimais déjà. Voilà tout. À Marseille, Lille ou Paris, les Françaises font de leur mieux pour paraître plus jolies. Un ravissement pour les yeux. On fait chavirer les cœurs, on peut même les rendre fous. Tous ceux qui viennent d'ailleurs et qui n'ont Dieu que pour nous. Oui, comme les Françaises sont jolies quand elles marchent dans les rues de la ville et qu'elles attirent tous les regards. On ne vivra que pour ça toute la vie. Oui, comme les Françaises sont jolies quand elles font battre le cœur de la ville en défilant sur les boulevards. On ne vivra que pour ça. Merci la vie. Comment trouver étonnant qu'on se retourne sur elle quand elle danse en marchant si jolie au naturel. Elle traverse les saisons en s'inventant des tenues. Elles disent que c'est l'occasion de tenter l'inattendu. Oui, comme les Françaises sont jolies quand elles marchent dans les rues de la ville et qu'elles attirent tous les regards. On ne vivra que pour ça toute la vie. Oui, comme les Françaises sont jolies quand elles font battre le cœur de la ville en défilant sur les boulevards. À moi, monsieur, il me faut le bord de mer. Faut des lumières, du bleu, du vert. Faut la vie tout entière. Sans ne fallut d'un rien pour qu'on perde la tête. Sans ne fallut d'un rien pour qu'on s'aime. Cœur à toi, monsieur, pas me laisser respirer. Faudra des ailes à toi, mon cœur, faudra me faire valser. Faudra me serrer très fort, monsieur, et t'y prendre à deux mains. Me décrocher la lune, monsieur, et te lever matin.

là-bas de l'au-delà. La guigue des igues morts et toutes ces danses qu'ils adorent. C'est le tango des eaux, la java de l'au-delà, la guigue des igues morts et toutes ces danses qu'ils adorent. Tout le monde est malheureux tout le temps, tout le temps. Tout le monde y veut de l'argent, l'argent. Tout le monde y veut de l'argent, tout le monde y veut de l'argent tout le temps, tout le temps. L'argent c'est pour l'amour, l'argent c'est pour l'amour, l'argent c'est pour l'amour tout le temps, tout le temps. L'amour pour être heureux, l'amour pour être heureux tout le temps, tout le temps. Heureux plus malheureux, heureux plus malheureux, souvent, la plupart du temps, tout le temps. Malheureux à l'amour, malheureux à l'amour, malheureux à l'amour, des fois, souvent, tout le temps. En amour avec toi, en amour avec toi, en amour avec toi, tout le temps, tout le temps. Avec toi, vivre dans ton temps, avec toi, vivre dans ton temps, avec toi, puis les autres, tout le temps, avec toi, puis les autres, tout le temps. Puis les autres, et puis tout le monde, et puis les autres, et puis tout le monde, et puis les autres, tout le monde est malheureux, tout le temps, tout le se mettre à genoux. Mais je veux bien d'une vie de rien, de longs matins ensommeillés, une vie passée entre tes seins, à étudier ta peau de près. Oui, je veux bien d'une vie de rien, les nuits, les jours entremêlés, une vie sans l'ombre d'un destin, une vie posée entre tes mains. Je voudrais des frissons en pagaille, des grands bûchers, des feux de paille. Je voudrais des saveurs à la pelle et les faveurs de toutes les belles. Je voudrais des tas de grands voyages, des tas de réveils incertains. Je voudrais une vie des grands chemins, je voudrais une vie des beaux rivages. Mais je veux bien d'une vie de rien, de longs matins ensommeillés, une vie passée entre tes seins, à étudier ta peau de près. Tam, tada. Ta-da. entremêlés. Une vie sans l'ombre d'un destin, une vie posée entre tes mains. Une vie qui tremble, une vie pleine de nuits blanches. Une de ces vies qu'on n'oublie pas, une vie en habit du dimanche. Je ne brandis aucun drapeau, je ne veux suivre aucun troupeau. À Kumako c'est bien, Toulousain. Je n'ai ni maître, ni gourou, ni contre-maître, rien du tout. À Kumako c'est bien, Toulousain. Je n'ai jamais envié quelqu'un, je ne suis jaloux de tes gueules. À Kumako c'est bien, Toulousain. Je n'attends aucun messie, je n'aime pas les utopies. À Kumako c'est bien, Toulousain. Je ne me sens jamais vaincu, je ne me sens jamais cocu. À Kumako c'est bien, Toulousain. J'accable pas les perdants, je ne me sens jamais gagnant. À Kumako c'est bien, Toulousain. J'en veux pas à qui que ce soit, je ne m'en prends jamais qu'à moi. À Kumako c'est bien, Toulousain. Je ne crains pas les puissants, je me sens pas impuissant. À Kumako c'est bien, Toulousain. Je me la joue pas sudiste, je me la joue pas artiste. À Kumako c'est bien, Toulousain. J'aime pas l'impolitesse, j'ai pas peur de la vieillesse. À Kumako c'est bien, Toulousain. J'ai pas besoin de m'engager, j'ai jamais été dégagé. À Kumako c'est bien, Toulousain. Je ne vais pas sur le terrain, je suis que la soirée matin. À Kumako c'est bien, Toulousain. Je ne peux pas être méchant, je n'ai pas de mauvais penchant. À Kumako c'est bien, Toulousain. Je ne veux pas être nôtre, ni gourou, être les nôtres. À Kumako c'est bien, Toulousain. Je ne crains pas le bon Dieu, je crois pas à mon Dieu. J'ai pas confiance en Marcos, je ris pas au gag de Bodos. Je ne suis fanat de rien, je ne suis déçu par rien. Je ne revendique rien, je ne regrette jamais rien. Je ne méprise personne, mais personne ne m'impressionne. J'ai pas envie d'être riche, ni d'être en haut de l'affiche. Je veux pas gagner des millions, j'ai de plus grandes ambitions. Je rêve pas du paradis, chez nous on se le construit. Mais je ne fuis aucun combat. À Kumako c'est bien, Toulousain. Je ne suis pas optimiste, je ne suis pas pessimiste. À Kumako c'est bien, Toulousain. Je ne suis pas jacobin, je ne suis pas girondin. À Kumako c'est bien, Toulousain. Je ne suis pas universaliste, je ne suis pas localiste. À Kumako c'est bien, Toulousain. J'ai pas beaucoup de besoins, je suis pas anti-américain. À Kumako c'est bien, Toulousain. Quand ça va pas, je fais aller, j'accuse pas la société. À Kumako c'est bien, Toulousain. J'idolâtre pas le Tché ni les moines du Tibet. À Kumako c'est bien, Toulousain. Je n'ai jamais eu d'idole, je fais partie d'aucune école. À Kumako c'est bien, Toulousain. Je suis pas régionaliste, je suis pas nationaliste. À Kumako c'est bien, Toulousain. Je chante pas mes racines, je brandis pas mes origines. À Kumako c'est bien, Toulousain. Ça baisse devant rien, on n'est pas du tout des toutous, on est tous tout. Sorgia FM. Sorgia. Thank you. qu'il a des pastilles, le ciel qu'il avale, pour pas que sa vie lui fasse trop mal. Votre cri, votre voix, vous m'avait fait grandir et jusqu'à devenir diva. Mais si demain, par erreur, je vous blessais, mais si demain, par erreur, vous me quittiez, je ne serais plus qu'un ange déchu. Diva, votre diva, je suis votre opéra, vous êtes à mes genoux. Je ne m'appartiens pas, vous m'acclamez debout. Je chante à pleine voix le grand air des bijoux. D'amour, toi et moi, un roman de toujours. Nous allons nous quitter, vous et moi, chacun de son côté va retrouver son toit. Les cigales m'attendent et mon chat. Comme à chaque fois, se languit de moi. On se retrouvera, croyez-moi. Mais laissez-moi souffler et retrouver ma voix avant de repartir au combat pour redevenir votre diva. Diva, votre diva, avec mon habit noir entre filles et garçons, un peu rock et guitare au milieu des très proche, habitants de tous les pays et de tous les continents, infinita tristesse. Dans quelques minutes, infinita un puissant tristesse. Vaisseau cosmique m'emportera loin infinita dans l'espace. Tristesse. J'ai peine à décrire ce que j'éprouve, infinita mais il tristesse. Me semble que j'ai vécu toute ma vie dans l'attente de ce moment-là. J'ai vraiment le sentiment d'engager un combat sans précédent avec la nature. Infinita tristesse. Infinita tristesse. Le moral est bon, je poursuis le vol. Tout va bien, l'engin fonctionne normalement. Говорит Москва. Mamá. ¿Qué? Señor presidente. ¿Puedo tener hijos? Ahora no, porque tienes 7 años. Se habla el presidente. Pero los tendrás cuando seas mayor y te cases. ¿Antes el niño, la madre o el padre? El padre pone la semilla, como te he dicho, y la madre pone la tierra en que esa semilla hará nacer la flor. ¿Y quién es la flor? Tú. ¿Por qué no crecen los niños dentro de los papás. Yo ya estoy deseando tener niños. ¿Y tú, Quique? Ah, yo no. ¿Y tú, Quique? ¿Y tú, Quique? Yo siempre estaré a tu lado. Yo siempre estaré a tu lado. ¿Y tú, Quique? Solo querés ser mucho. ¿Y tú, Quique? ¿Y tú, Quique? Solo querés ser mucho. ¿Y tú, Quique? Yo siempre estaré a tu lado. Oye, mamá, ¿puedo tener niños ya? Última 7:57. El médico del pueblo. El médico del pueblo. Artritis, asma, diabetes e impotencia. Hoy tenemos la oportunidad de dirigirnos a todos los niños. Es un momento muy importante, definitivo. Revelaros el secreto más grande de la humanidad. La verdad sobre el nacimiento de los niños. Mitad y mitad es suficiente. Radio Mano Papachango. Nos hemos decidido a revelaros este misterio porque no consideramos justo el que vosotros, grandes y verdaderos amigos de lo auténtico, os sintáis engañados, no ya por vuestros padres, naturalmente, sino por otras opiniones, ignorantes, ignorantes, ignorantes. ¿Y qué tienen que hacer el padre y la madre para tener niños? Solo quererse mucho. Yo siempre estaré a tu lado. Yo siempre estaré a tu lado. ¿Y tú, Quique? Yo siempre estaré a tu lado. ¿Cómo vivimos dentro de ti? Pues como la luz vive en su lámpara, o el agua dentro del vaso. Es como si quisieras ver el interior de mi corazón. Mano, Papachango. Yo siempre estaré a tu lado. Yo siempre estaré a tu lado. Yo siempre estaré a tu lado. Yo siempre estaré a tu lado. Yo siempre estaré a tu lado. Yo siempre estaré a tu lado. ¿Y tú, Quique? Yo siempre estaré a tu lado. Debemos mantenernos a radio. Es la señal. Los tiranos vienen hacia acá. Y estamos listos para ello. Tendremos que hacer algo. Próxima estación. Esperanza. Avenida de la Paz. De la boîte à la mode. Oh, lueur psychédélique au curieux décor. Nous découvrons assis sur des chaises incommodes les derniers disques pop poussés au maximum. C'est là qu'on s'est connus parmi ceux de notre âge. Toi vêtu en indienne et moi en col Mao. Nous revenons depuis comme en pèlerinage, danser dans la fumée, à couper au couteau. Viens, découvrons toi et moi les plaisirs démodés. Mon cœur contre mon cœur, malgré les rythmes fous, je veux sentir mon corps par ton corps épousé. Dansons, joue contre joue. Dansons, joue contre joue. Viens. Noyés dans la cohue, mais dissociés du bruit, comme si sur la terre il n'y avait que nous. Glissons les yeux mi-clos jusqu'au bout de la nuit. Dansons, joue contre joue. Dansons, joue contre joue. Sur la piste envahie, c'est un spectacle rare. Les danseurs